Chaque bijou renferme un secret, une histoire d'amour ou de séparation, un mythe ou une malédiction. Découvrez La Voix des Bijoux, le podcast de l'École des Arts Joailliers avec le soutien de Van Cleef & Arpels qui vous dévoile les fascinantes histoires et les savoirs secrets des bijoux à travers le monde. À retrouver prochainement sur toutes les plateformes d'écoute. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Cette histoire débute dans un studio et se poursuit dans une bibliothèque princière. Entre-temps, nous avons croisé Pétrarque dans le Bocage, mais aussi Virgile, Ovide et Cicéron, surgit d'un autre temps. Nous avons lu en grec, en latin, des manuscrits richement enluminés et d'autres plus austères, mais aux marges imposantes. Ici, des médailles, des sculptures, des portraits. Sur le chemin, nous avons rencontré Gutenberg et aux manuscrits se sont ajoutés les incunables, par les arts et par les lettres, l'invention de l'humanisme. Viens-t'en, mon fils, te voilà grand garçon et en âge de répondre. Oui, papa. Fais-moi un discours latin pour voir, ou grec, peu importe. Rosa, Rosa, Rosé, Rosé, Rosam, Rosa, Agathos, Mélas, Mélaïna, Mélan. Oh, et voilà tout ce que t'ont appris tes maîtres. Ah bah oui, voilà, fallait réviser ces déclinaisons. Bonjour Jean-Marc Châtelain. Bonjour. Bonjour Gennaro Toscano. Bonjour. C'était bon les déclinaisons, ce mélange latin-grec, c'est Gargantua, c'est Rabelais. Nous sommes au milieu du XVIe siècle ici, mais vous êtes avec nous dans le cours de l'histoire pour réfléchir à l'invention de la Renaissance. Cette notion même de Renaissance est une notion complexe et ce qui nous anime, c'est l'humanisme. Alors, s'il fallait donner une date de départ pour l'humanisme, vous le voyez quand ? Alors c'est très difficile de dire à quel moment commence exactement l'humanisme, parce que les historiens ont souvent parlé même de préhumanisme à propos de certains personnages, dès la fin du XIIIe siècle notamment, début du XIVe siècle. Mais s'il y a sans doute une date qui est plus importante, un personnage qui est plus important aussi, c'est celui de Pétrarque, auquel, dans l'exposition de la Bibliothèque nationale de France, nous accordons une place privilégiée, parce que justement, les générations des humanistes suivants ont reconnu dans sa personne une sorte de héros fondateur, pourrait-on dire. Donc nous sommes là dans l'Europe du XIVe siècle. Pétrarque naît en 1304 à Arezzo, il meurt en 1374, j'allais dire dans l'Italie au départ du XIVe siècle, mais il serait plus juste de dire dans l'Europe du XIVe siècle, puisque Pétrarque est un personnage qui a voyagé à travers l'Europe entière. Vous êtes tous les deux commissaires de l'exposition L'invention de la Renaissance, l'humaniste, le prince et l'artiste. C'est à la Bibliothèque nationale de France sur le site Richelieu. Gennaro Toscano, c'est important de le dire ça, la question de nationalité bien sûr est anachronique dans ce moment-là, mais c'est surtout dans ce contexte-là. Ce sont des penseurs européens. Exactement, nous avons vraiment comme Jean-Marc le disait, c'est très important, nous avons voulu déplacer le curseur pour le début de la Renaissance bien avant, au XIVe siècle. En France, XIVe, c'est Moyen-Âge. C'est le triomphe du Moyen-Âge, alors que vraiment nous avons établi de vouloir commencer par cette Europe préhumaniste, justement, et les voyages de Pétrarque, et le rôle de Avignon, Nouvelle Rome, dans cette période est exceptionnel. Mais encore une fois, qu'est-ce que c'est Avignon? Avignon, c'est le résultat de dialogue entre la Provence et la Toscane, même au niveau artistique, la présence de Simone Martini. Simone Martini, c'est le plus grand peintre italien du Trecento avec Giotto. Simone Martini, il travaille en Avignon, il rencontre Pétrarque, donc les voyages des artistes, dès l'été, très ont fait que nous avons une véritable Europe de la Renaissance qui commence avec le XIVe siècle. Et là, nous sommes très attachés à cette notion. Ah oui, parce que Avignon, ville importante dans cette histoire-là, on peut rappeler. D'ailleurs, pourquoi Avignon accueille tant d'Italiens notamment ? C'est une ville en effet très importante puisque c'est là que se replie la papauté pendant l'essentiel du XIVe siècle. Et de fait, Pétrarque, qui, je le disais tout à l'heure, est né à Arezzo, va venir à Avignon, puisque son père est un Florentin qui a dû s'exiler de Florence comme Dante au tout début du XIVe siècle, d'où la naissance de Pétrarque, non pas à Florence, mais à Arezzo. Et puis son père, qui est déjà un grand lettré, va venir s'établir auprès de la cour pontificale à Avignon, donc, du temps du premier des grands papes d'Avignon, qui est Clément V. Et c'est comme cela que Pétrarque lui-même arrive dans la région d'Avignon. Il va être éduqué à Carpentras, puis ensuite fera ses études, notamment ses études de droit à Montpellier d'une part, et puis à Bologne. Donc très vite, c'est un personnage qui excède les frontières de l'Italie. Et un autre élément, que c'est pas parce que je suis d'origine napolitaine, mais Naples à l'époque est un royaume français. Donc ça aussi c'est important, et par ailleurs c'est les Angevins de Naples qui ont vendu Avignon au pape. Donc là aussi c'est l'Italie un peu entre deux puissances, France et Italie du Sud. Avec cette magie d'Avignon à ce moment-là, on imagine sur le rocher des Dons, tous ces gens qui pouvaient éventuellement se croiser. Vous avez cité Pétrarque évidemment qui était là, Dante, Simone Martini, le peintre, Martini on the Rock sur le rocher des Dons. Ils étaient tous là à Avignon. Il y avait quelque chose de particulier dans cette ville d'Avignon par rapport à ce qui pouvait se passer à Rome au même moment. Mais Rome est à l'époque est une ville en extrême décadence, lutte entre famille et la papauté, alors qu'Avignon c'est une ville nouvelle, c'est plus facile. Avignon, il faut tout construire, il faut tout bâtir, donc c'était pas la ville la plus importante. Carpentras était bien plus importante qu'Avignon à l'époque, mais Avignon c'est la ville nouvelle, c'est ce chantier qui est formidable, qui attire des peintres, des sculpteurs, et puis chaque cardinal imitant le pape veut s'alivrer son palais, son hôtel particulier comme on dirait en français. Donc évidemment, Avignon, c'est une ville puissante et puis stratégiquement, elle est très importante. Elle est au nord de la Méditerranée, mais entre l'Espagne, les États d'Italie et le Royaume de France. Et oui, le Rhône servant de frontière, restons à Avignon. L'histoire dont je vais vous entretenir a commencé le 6 avril 1327. Un jeune clerc entrait dans l'église Sainte-Claire d'Avignon. Il s'appelait François Pétrarque et nous l'appelons aujourd'hui François Pétrarque. Il avait 22 ans et demi, il avait été tonsuré, mais il n'avait reçu aucun ordre religieux. Et d'ailleurs, on ne se serait pas douté à le voir qu'il appartenait à l'état clérical, car il était extrêmement élégant, de mise soignée, coiffé à la perfection, lui-même s'est plaint dans ses lettres du temps qu'il passait chez le coiffeur. Il s'est également plaint des tortures auxquelles il se soumettait en enfermant ses pieds dans les chaussures à la mode. Étienne Gilson, philosophe, historien, 1947, qui présentait l'amour de Pétrarque. Mais que s'est-il passé ce jour-là? Il nous le dit bien, l'histoire commence en 1327. Dites-nous Jean-Marc Châtelain, c'est une rencontre. C'est bien sûr la rencontre de Pétrarque avec Laure, personnage qui aura toute la postérité que l'on sait dans le Canzoniere de Pétrarque, une œuvre absolument déterminante dans l'histoire de la lyrique amoureuse pour toute la littérature occidentale. Ce que dit aussi Étienne Gilson, c'est que à ce moment-là, donc Pétrarque est un jeune clerc qui n'a pas encore reçu les ordres majeurs, et c'est un peu plus tard que Pétrarque s'engagera malgré tout dans une carrière ecclésiastique en 1329 pour des raisons économiques. Simplement, cette carrière ecclésiastique lui permet d'avoir des bénéfices ecclésiastiques, donc de toucher des revenus. Et c'est très important dans la mesure où c'est aussi ce qui va assurer à Pétrarque une indépendance, une indépendance économique, une indépendance financière. Et de fait, s'il y a une chose qui est très moderne, peut-être peut-être dans la figure de lettré qui est celle de Pétrarque, c'est cette indépendance, le fait que Pétrarque est un lettré qui vit indépendamment de tout attachement, de tout rattachement, de toute appartenance à une communauté qui serait soit une communauté monastique, soit une communauté universitaire. Il n'est ni moine, ni membre d'aucune université. D'ailleurs, même quand plus tard, beaucoup plus tard, Boccace l'a invité à venir enseigner à Florence, il s'y est toujours refusé. Il a toujours été très vigilant sur cette indépendance. Et donc, cette indépendance, elle est très importante aussi dans la mesure où, justement, elle donne dans Pétrarque l'image d'un lettré d'un genre nouveau, pourrait-on dire. Et la bibliothèque de Pétrarque, à laquelle nous accordons dans l'exposition une place très importante, cette bibliothèque n'est justement ni celle de la communauté ecclésiastique à laquelle il appartiendrait, ni celle de la communauté universitaire à laquelle il n'appartient pas davantage. Ouais, Gennaro Toscano, il y a un profil type de ces humanistes dans ces temps-là, ceux du XIVe siècle. Là, on entend un Pétrarque, c'est un clerc. Ces humanistes-là, que l'on retrouve un peu partout en Europe, ils ont un profil type ? Pétrarque est un caractère un peu d'un genre nouveau et un peu exceptionnel, parce qu'effectivement, l'humaniste type, on le trouve plutôt à partir de la fin du XIVe siècle. Ce qui est intéressant de Pétrarque, c'est cette curiosité, cette liberté dans ses choix. Et puis, je voulais rappeler, vous avez mentionné Avignon, là aussi, il est non seulement novateur pour la constitution de sa bibliothèque, mais même ses goûts artistiques, c'est lui qui aurait demandé à Simone Martini un portrait de l'or. Et ce portrait de l'or, malheureusement, il n'est pas arrivé jusqu'à nous, serait le premier portrait de profil, donc ça serait le premier portrait humaniste de l'histoire de la peinture. Donc là aussi, son rapport avec les artistes est très important. Et par ailleurs, Simone Martini a peint le frontispice de son Virgile qui présente plus de 3000 annotations. Donc voilà, c'est Pétrarque, effectivement, c'est un peu le premier des humanistes. Avec cette idée de portrait en profil. Le profil, ça, c'est, on le voit très bien dans l'exposition, là aussi, c'est un élément qui nous conduit à l'Antiquité, parce que nous parlons beaucoup de manuscrits, de papiers, c'est une chose, mais il n'y a pas que cela. C'est très important parce que le portrait de profil s'inspire directement des monnaies et médaillons antiques, parce qu'il y a une volonté de se rattacher à la tradition antique. Et donc là aussi, c'est une nouveauté parce que ce portrait qu'on appelle humaniste, en fait, a une vie assez courte. Il est mis en place par Simone Martini, un Avignon, Giotto, en Toscane, mais dès la fin du XVe siècle, il est remplacé par le portrait de trois quarts d'origine nordique. Et donc là, il y a vraiment une volonté de se rattacher à cette tradition antique à travers aussi le biais de la médaille. La médaille, aujourd'hui, personne ne regarde. Il y a très peu de monde qui s'intéresse à la médaille. La médaille est vraiment un objet prisé, important. Et là aussi, c'est les humanistes qui ont lancé la médaille. C'est Guarino de Vérone qui suggère à Lionel d'Est de se faire immortaliser dans des médailles, parce que la médaille le présentait de portrait, le portrait de profil, comme les empereurs antiques, dont lui-même était collectionneur de monnaie, et en même temps, l'effigie était accompagnée par le nom de l'auteur, et le revers de la médaille pouvait présenter les devises, des armes. Donc c'est quelque chose qui se transporte, c'est un multiple, c'est pas un objet unique. Donc vraiment, et c'est là où nous avons voulu, dans cette exposition, faire dialoguer, peut-être pour la première fois, parce que nous sommes à la Bibliothèque Nationale, on a pu montrer des médailles de Pisanello, des dessins préparatoire de ces médailles qui sont conservées au Louvre, et la médaille modèle iconographique pour les manuscrits. Jean-Marc Châtelain, vous êtes directeur de la réserve des livres rares de la Bibliothèque Nationale de France, et dans cette histoire-là, il faut sortir de temps en temps des fonds, des manuscrits pour aller voir ce qui se passe au cabinet des médailles. C'est ce dialogue qui est très très intéressant, car les humanistes, on l'a dit, sont des curieux, donc on va les retrouver un peu partout. Tout à fait, oui, c'est effectivement ce dialogue que nous avons voulu présenter, montrer quelle était la cohérence culturelle de tous ces objets, qu'il s'agisse de manuscrits, de livres imprimés, d'estampes, de monnaies et médailles, voir comment tout cela entretient des liens extrêmement étroits. Et Gennaro citait à l'instant le personnage de Guarino de Vérone, par exemple. Donc, nous sommes là au 15e siècle. Guarino de Vérone est un humaniste à la fois par son œuvre textuelle, si je puis dire, notamment on présente cette œuvre, son œuvre de traducteur. C'est aussi quelque chose qui est très important dans ce mouvement culturel qu'est l'humanisme, le travail de la traduction. Guarino de Vérone est l'un des très grands hellénistes du 15e siècle et traduit du grec vers le latin. Mais Guarino de Vérone est aussi sans doute le plus grand des pédagogues humanistes. Cette dimension pédagogique de l'humanisme est également très très très très importante. On la retrouvera avec l'éloge de la pédagogie humaniste que l'on lit au chapitre 8 de Pantagruel, par exemple, sous la plume de Rabelais, dans la fameuse lettre que Gargantua adresse à son fils Pantagruel. Et puis ce Guarino de Vérone, pour revenir à lui, qui a été un personnage extrêmement connu en son temps et pour les générations d'humanistes suivants, est aussi le grand théoricien de la médaille, tel que Gennaro l'expliquait. Voilà, cette forme qui à la fois puise à l'Antiquité et permet de retrouver justement, de donner forme, de donner figure au sentiment de la gloire, à l'importance que cette idée morale, qui est celle de la gloire, a pour toute cette génération d'humanistes. C'est le véritable humaniste, parce qu'il est à la fois traducteur, auteur, et surtout, il est le précepteur de Lionel d'Este, l'un des plus grands princes de l'humanisme italien. Donc c'est vraiment, l'humaniste est une nouvelle profession où ils sont à la fois pédagogues, traducteurs, lettrés, mais ils mettent leur science au service ou du prince ou de la République, dans le cas de la République florentine. Et à la fois précepteur de Lionel d'Este, mais également donc fondateur d'école et fondateur d'une pédagogie qui redonne toute sa place à l'étude grammaticale et aux commentaires des textes littéraires de l'Antiquité. C'est en cela qu'il s'agit bien d'une pédagogie humaniste qui s'adresse évidemment aux princes, mais qui s'adresse aussi aux patriciens de manière plus générale. Le retour à l'Antique. Diane, étant en l'épaisseur d'un bois, après avoir maintes bêtes assénées, prenait le frais de nymphes couronnées. J'allais rêvant, comme fait maintes fois, sans y penser, quand jouit une voix qui m'appela, disant « Nymphe étonnée, que ne t'es-tu vers Diane tournée ?» Et me voyant sans arc et sans carquois, « Qu'as-tu trouvé, ô compagne, en ta voix ? Qui de ton arc et flèche et fait proie ?» Je m'animais, répondis-je, à un passant, et lui jetai en vain toutes mes flèches et l'arc après. Mais lui, les ramassant et les tirant, me fit sans et sans brèche. Frédéric Labussière, qui était Louise Labbé dans le cours de l'histoire, en évoquant Diane, une œuvre qui date du milieu du XVIe siècle. Avec Louise Labbé, nous sommes au milieu du XVIe siècle. Mais l'évocation ici de l'Antique, on la retrouve, c'est quelque chose qui est constant pour définir ce qu'est l'humanisme. Déjà, il faut mettre en place le retour à l'Antique, c'est bien cela ? Tout à fait. Et le retour à l'antique, c'est vraiment une volonté délibérée, et ce retour à l'antique que nous le retrouvons bien sûr dans la littérature par ce travail de traduction et surtout de restauration des textes de l'Antiquité, la chasse aux manuscrits, comme nous l'avons appelé dans l'exposition, cette sorte de frénésie, cette fièvre pour aller chercher les manuscrits d'auteurs classiques oubliés dans la poussière des grandes bibliothèques monastiques de l'Europe, encore j'insiste, c'est pas un phénomène qui se retrouve uniquement dans la pension italienne, mais non lettré, Pétrarque est allé à Liège, Poggio Bracciolini est arrivé à Langres, à Aix-la-Chapelle, à Saint-Gall. Donc vraiment, il y a cette fièvre dans la recherche de textes d'auteurs classiques qu'il faut restaurer, donc rééditer, et puis le travail de traduction, et cette, disons, galerie de mythologie qu'on la retrouve exactement dans les arts à la même époque, dans la peinture, dans la gravure, dans la sculpture de la Renaissance. Alors je nuancerai juste un petit peu les mots qu'a employé à l'instant Gennaro qui parlait de la poussière des bibliothèques monastiques. Effectivement, c'est une expression que l'on trouve sous la plume des humanistes, notamment Poggio Bracciolini au tout début du XVe siècle, le Florentin Poggio Bracciolini qui se rend dans différentes bibliothèques du Nord, notamment à Saint-Gall, à la bibliothèque de l'abbaye de Saint-Gall, où il découvre un manuscrit fameux qui contient toute l'institution oratoire de Quintilien. C'est un texte dont jusqu'à présent le Moyen-Âge n'avait connu que des fragments, et la connaissance complète de ce grand texte de la rhétorique antique aura beaucoup d'importance dans la culture rhétorique qui est celle des humanistes de la Renaissance. On pourrait citer aussi la découverte du manuscrit du De Rerum Natura, de la nature des choses, du grand poème philosophique de Lucrèce dans l'abbaye de Fulda. Fulda, c'est à une soixantaine de kilomètres au nord-est de Francfort, toujours par Boccio Bracciolini. Alors, c'est une découverte qui est mieux connue sans doute aujourd'hui du grand public grâce au livre de Greenblatt, Quattrocento, qui en a beaucoup parlé. Mais donc voilà, ce sont toutes ces découvertes de textes que font de grands humanistes au XVe siècle à la suite de Pétrarque. Pétrarque avait donné le modèle de cette recherche des manuscrits. Et donc ce mouvement se poursuit et s'accélère, même pourrait-on dire, au début du XVe siècle. C'est cette fièvre dont parlait Gennaro à l'instant, mais en même temps, il y a toute une mise en scène de ce travail qui devient une sorte de travail héroïque présenté comme des exploits, et donc pour cela, il y a une manière de caricaturer finalement la culture du Moyen-Âge, renvoyant toute cette culture du Moyen-Âge à un temps de barbarie, d'obscurantisme et d'ignorance de la culture classique, ce qui est évidemment faux, puisque précisément ces textes que l'on retrouve, que les humanistes retrouvent, il le retrouve dans des bibliothèques médiévales. L'abbaye de Fulda, c'est une des plus grandes abbayes carolingiennes, voilà, c'est une des très grandes abbayes du Moyen-Âge, l'abbaye de Saint-Gall également, ils vont à Cluny, etc. Enfin bon, voilà, il y a toutes ces grandes bibliothèques monastiques dans lesquelles ces textes sont conservés. Mais ce qui sans doute est neuf, c'est la manière d'envisager ces textes et le rapport à l'encyclopédie du savoir antique. Finalement, on retrouve quand on dit qu'on retrouve des textes, ces textes effectivement étaient connus d'abord parfois de manière partielle et on va entreprendre de les connaître de manière plus complète. Là encore, Pétrarque nous donne l'exemple avec le travail qu'il fait pour tenter de reconstituer le plus grand nombre possible de livres de l'histoire romaine de Tite-Live, un texte qui était connu de manière extrêmement lacunaire, qui d'ailleurs est aujourd'hui encore connu de manière très, très lacunaire. Hein. Nous ne possédons qu'un tiers à peu près de ce qui a été l'ensemble de l'histoire romaine de Tite-Live. Donc, à la suite de Pétrarque, d'autres humanistes entreprennent de reconstituer la totalité de ces textes, et puis surtout, ils entreprennent de replacer ces textes dans une connaissance plus entière de la culture latine ou au XVe siècle de la culture grecque également. Donc je dirais d'une certaine manière que ce qui fait la nouveauté véritablement des humanistes, c'est peut-être moins la connaissance des textes antiques que la connaissance du monde de ces textes. Et ce qui est très important à souligner cette petite différence, c'est ça la Renaissance. C'est la Renaissance de ces textes antiques. Le Renaissance, c'est un nom qui a été donné beaucoup plus tard. Oh. Oui, alors la Renaissance, c'est-à-dire que la Renaissance, c'est un mot difficile finalement, parce que qu'est-ce qu'on appelle la Renaissance ? Je dirais que il y a deux choses. Nous, quand nous disons aujourd'hui Renaissance, nous pensons d'abord à une époque, et une époque dont les contours sont relativement flous et dont le contenu est très divers, parce que c'est à la fois un ensemble de faits culturels, mais aussi un ensemble de faits politiques, de faits sociaux, de renouveau économique également, voilà. Donc c'est quelque chose d'assez flou si l'on entend par Renaissance une époque. Mais la Renaissance, avant d'être une époque, c'est d'abord une idée. L'idée de Renaissance. Et cela, c'est l'apport même des humanistes qui conçoivent, au fond, ce que les humanistes appellent Renaissance, c'est la conscience historique qu'ils ont de leur propre travail, de redécouverte, de cette culture de l'antique. Et c'est très intéressant parce que, bien sûr, notre exposition, ce n'est pas une exposition Beaux-Arts, mais les artistes avaient eux-mêmes la même conscience de vivre une époque de renouveau. Et le mot Renaissance, ce n'est pas un mot moderne. C'est Vasari qui parle de Rinascita pour indiquer ce mouvement qui commence pour lui déjà vers le XIVe siècle avec Giotto. Et par ailleurs, Vasari, il parle de trois âges. L'enfance avec Giotto, Simone Martini, qui correspond à l'époque de Pétrarque et Boccace. L'adolescence avec le Quattrocento et la maturité avec Michel-Ange, Léonard et Raphaël. Donc il y a cette notion d'évolution. Et qu'est-ce que c'est le Moyen-Âge ? Le Moyen-Âge est cette période qui les sépare de l'Antiquité. Donc c'est cette période floue, plutôt le Moyen-Âge sous la plume de Vasari, qui sépare l'Antiquité classique de la Renaissance de ces textes. Et si les humanistes vont à la recherche de ces textes dans les abbayes du Moyen-Âge, bien sûr, pas poussiéreuse, elle était très bien tenue, et heureusement, parce qu'effectivement, c'est cette transmission par les moines du Moyen-Âge qui a permis le travail, le retour à ses sources, les artistes font exactement la même chose. Brunelleschi se rend à Rome, non pas pour s'extasier devant les ruines de la Rome antique, mais pour essayer de comprendre les techniques de construction de l'architecture. Donatello, c'est le plus important sculpteur italien du Quattrocento, la même chose, il va à Rome pour étudier la sculpture des antiques et pour s'emparer de ces modèles. Donc c'est ça très important. Et la même chose, Leon Battista Alberti, qui est vraiment le théoricien du Quattrocento, lui aussi, il a cette conscience de vivre une époque nouvelle. Et cette époque est nouvelle et exceptionnelle parce que les artistes toscans, ses contemporains, Masaccio, Brunelleschi, Donatello, etc., n'étaient pas inférieurs aux artistes de l'Antiquité. C'est ça qui est vraiment très important. Ce qui caractérise l'humanisme et la Renaissance, c'est la conscience que les hommes ont de vivre un moment de renouveau. Même si, encore une fois, et j'insiste, parce que c'est pour cette raison que nous avons choisi une large Renaissance qui commence avec Pétrarque et qui, pour nous, dans notre expo, hein, ça s'arrête au début du règne de François Ier, c'est parce que même des personnages comme Dante, comme Pétrarque, comme Boccace, eux, ils avaient cette idée d'évolution de la société et de la culture et de la littérature. Et il est peut-être important de préciser dès maintenant que nous ne sommes pas en opposition avec la religion. Chez ces humanistes, pas du tout, hein. En aucun cas. Cette antiquité que les humanistes entendent retrouver est à la fois l'antiquité gréco-latine et l'antiquité chrétienne. Et ces humanistes sont des chrétiens. On peut en donner l'exemple de nouveau avec Pétrarque, même si il n'y a évidemment pas que lui, mais Pétrarque a dans le monde intellectuel, dans le monde spirituel même de Pétrarque, il y a deux figures qui ont une importance à peu près égale, qui sont celles de Cicéron du côté de l'Antiquité profane et celles de Saint-Augustin du côté de l'Antiquité chrétienne. Et cette dualité qui est encore vécue comme une tension chez Pétrarque, on la retrouve, et à ce moment-là, elle n'est plus vécue comme une tension, au début du XVIe siècle, dans l'œuvre d'un humaniste aussi important qu'Érasme, qui s'attache justement, qui connaît extrêmement bien l'Antiquité gréco-latine, mais dont finalement la connaissance de la littérature antique profane est pensée par lui comme une propédeutique à la connaissance de la littérature de l'Antiquité chrétienne, qui permettra justement de ramener dans un temps de crise de la chrétienté le christianisme à ses vertus primitives, d'où l'importance de la tradition des pères de l'Église, et notamment pour Érasme, l'importance de Saint Jérôme. Dans l'exposition, on peut voir la figure de Saint Jérôme telle qu'elle est représentée par Dürer, notamment, qui fait pendant à une autre gravure célèbre de Dürer qui représente justement Érasme à son bureau, à sa table d'études. Et puis, on voit aussi la nouvelle édition du Nouveau Testament en latin que produit Érasme, qui s'appuie sur une meilleure connaissance du texte grec du Nouveau Testament et lui permet de réviser la Vulgate de Saint Jérôme. La table de travail, hein, lieu essentiel pour comprendre ces humanistes, c'est ce mot-là, studiolo. Oui, tout à fait. Mais vous m'avez anticipé ce que je voulais dire. Et effectivement, cette cohabitation entre les auteurs classiques grecs, latins et les pères de l'Église, on la retrouve effectivement dans la série d'hommes illustres du studiolo que Frédéric de Montefeltre fait réaliser dans son palais à Urbino dans les années 1460. Autour des années 1470. Donc c'est vraiment très important parce que nous avons Platon, Aristote, Cicéron, Sénèque, mais nous avons les pères de l'Église, nous avons les trois grands poètes de Toscan, on a Dante, Pétrarque et Boccace, et quelques contemporains, parmi lesquels un très grand humaniste, moins connu aujourd'hui, Vittorino da Feltre, qui était un grand pédagogue et qui avait ouvert une école à Mantoue, autre centre important de la Renaissance italienne, dans lequel il formait les jeunes issus de ces familles princières italiennes aux lettres. Donc vous voyez, dans la galerie d'hommes illustres commence à l'Antiquité grecque et s'arrête aux humanistes en passant par les pères de l'Église et par les trois couronnes de la littérature italienne. Ben, le studiolo que je vous propose, celui-là se trouve à Rome. Voilà, nous nous trouvons dans un lieu qui était le studiolo de Ferdinand de Médicis, où le grand bâtisseur de la villa venait se réfugier lorsqu'il y avait trop de monde et trop de gens qui travaillaient dans la villa. Vous devez imaginer cet endroit tel que c'était à l'époque, c'est-à-dire recouvert de soieries, de brocarts, et avec une extraordinaire collection de pierres précieuses, de pierres anciennes. Et alors c'est là que les choses sont intéressantes, il y a deux fresques dans cette villa. La première, que l'on connaissait depuis toujours, se trouve dans cette petite pièce ici. Et vous avez donc des grotesques intéressantes, mais qui sont surtout intéressantes parce qu'il y a trois petites vues qui représentent la villa avant que le cardinal Ricci de Montepulciano intervienne, la villa telle qu'il l'a faite du côté jardin, et la villa telle qu'il voulait la faire du côté de la ville. Et quant au jardin que vous voyez sur la deuxième fresque centrale, ils sont exactement tels qu'ils étaient à l'époque. Pierre-Jean Rémy qui nous fait visiter ce studiolo. Pierre-Jean Rémy, membre de l'Académie française, directeur de l'Académie de France à Rome, c'est-à-dire de la Villa Médicis. Nous étions en 1996. Gennaro Toscano, c'est pas un cabinet de curiosité, ce studiolo? Ah non, pas du tout hein. Le cabinet de curiosité est un peu l'évolution du studiolo, mais encore une fois, le studiolo qui est l'espace privé du lettré, mais le lettré ça peut être un laïc ou un religieux, un exposant du clergé, encore une fois, ce petit espace qui est fait un espace sobre à l'origine, c'est vraiment une petite pièce qui, là aussi, la naissance de cette pièce, on la retrouve plutôt dans la rampe papale et évidemment bien documentée dans la Avignon des souverains pontifes, où les premiers papes font édifier une petite pièce appelée studium, près de la chambre, donc ce n'est pas la bibliothèque, hein, la bibliothèque est à part, mais on pouvait ramener dans le studiolo le livre sous lequel on était en train de méditer, ou on lisait, etc. Donc vraiment c'est un espace privé du lettré. Ce modèle est adopté à la fois par Pétrarque, parce que Pétrarque est le premier homme, donc premier humaniste, à avoir dans sa maison près de Padoue, à Arcueil, à la fois une bibliothèque, une grande bibliothèque, parce que la bibliothèque de Pétrarque, elle comptait entre 1000 et 2000 ouvrages. Donc c'est une immense bibliothèque, c'est la plus grande bibliothèque privée d'un humaniste du Trecento. Et parallèlement, il avait une petite pièce près de sa chambre, qui existe toujours malgré les transformations de la maison de Pétrarque, donc un lieu où il se retirait loin du monde pour se plonger dans la lecture. Et après, ce modèle, on le retrouve chez les rois, chez Charles V, roi de France, qui possédait, en français ancien, on trouve le mot étude, il possédait ce cabinet, ce studio-là dans chaque résidence. Et là, avec les souverains, on commence à trouver à côté des livres des objets précieux. Donc oui, on évolue vers, après évidemment, ce modèle triomphe dans l'Italie du Quattrocento, parce que les Médicis à Florence, les Estes, les Gonzagues, mais un autre élément que je tiens à souligner, surtout que nous parlons de Louise l'Abbé, la femme joue un rôle important. Les femmes ont une formation humaniste comme les hommes, et je voulais rappeler simplement une princesse milanaise, Ippolita Maria Sforza, qui était éduquée, qui connaissait le grec, qui parlait latin, écrivait le latin. Lorsqu'elle devient duchesse à Naples, elle se fait ériger un studiolo. C'est le premier studiolo de la Renaissance pour une femme. Malheureusement, ce studiolo n'existe plus. Et elle écrit à sa mère, une lettre à sa mère qui était restée à Milan, en disant qu'elle se faisait construire un studiolo pour lire et pour écrire. Ça, c'est un témoignage exceptionnel pour l'époque, et donc nous sommes dans les années 1470. Louise l'Abbé. Je suis déesse, comme tu es Dieu. Mon nom est Folie. Je suis celle qui te fait grand. Tu lâches l'arc et jettes les flèches en l'air, mais je les assois au cœur que je veux. Et quand toi seul ferais aimer, quelle serait ta gloire si je le faisais paraître cet amour parmi les inventions? Tu as fait aimer Jupiter, mais je l'ai fait transmuer en cygne, en taureau, en or, en aigle. Que c'était si Paris n'eût fait autre chose qu'aimer Hélène? Il était à Troie, l'autre à Sparte. Ne lui fis-je dresser une armée de mères, aller chez Ménélas, faire la cour à sa femme, l'emmener par force et puis défendre sa querelle injuste contre toute la Grèce? Si tu fais aimer, j'en suis cause le plus souvent. Mais si quelque étrange aventure ou grand effet en sort, en cela, tu n'y as rien, mais en est à moi seul l'honneur. Tu n'as rien que le cœur, le demeurant est gouverné par moi. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Débat de folie et d'amour de Louise l'Abbé, lu par Frédéric Labussière. Alors, Louise l'Abbé écrivait sans doute dans son studio-là, elle aussi, avec la matérialité de l'écrit. C'est quelque chose que l'on remarque en visitant l'exposition. L'exposition du livre, ça fait une mise en abîme de ce que nous voyons, ces manuscrits exceptionnels, qui, dans ces cabinets d'écriture des humanistes, étaient déjà exposés. On montrait les reliures. Oui, alors je ne sais pas si Louise l'Abbé écrivait dans son studio-là. La question de savoir qui était exactement Louise l'Abbé est beaucoup débattue aujourd'hui, et de fait on a peu de renseignements biographiques sur elle. Mais en tout cas, pour revenir à la question du studio-là de la Renaissance, dans l'exposition nous présentons effectivement un certain nombre de manuscrits, de représentations du studio-là à l'intérieur du studio-là. tableau, comme une sorte de mise en abîme dans cet espace d'introduction de l'exposition où sont aussi exposés, grâce au prêt que nous a consenti le musée du Louvre, un certain nombre des tableaux qu'évoquait Gennaro, qui ornait le studiolo de Frédéric de Montefeltre à Urbino. En tout cas, ce que moi je voulais dire aussi, c'était en écoutant la présentation du studiolo de Ferdinand de Médicis par Jean-Pierre Engremy, enfin Pierre-Jean Rémy, également ancien président de la Bibliothèque nationale de France, il disait à un moment qu'il s'agissait d'un lieu où se réfugier. Il a cette expression que je trouve très intéressante, effectivement. Et comme Gennaro le soulignait également, le studiolo est aussi, ça n'est pas seulement, ça peut être un lieu de présentation d'objets de grande beauté pour les princes, mais c'est d'abord quand même un lieu de retraite dans la beauté, de retraite parmi les livres. Et là, on retrouve aussi cette double postulation entre l'antiquité profane et l'antiquité chrétienne dans le lieu même qu'est le studiolo, où vit finalement une double tradition, celle d'une part de la retraite spirituelle, tradition chrétienne de la retraite spirituelle, et d'autre part, cette tradition, et l'une et l'autre viennent en quelque sorte se féconder mutuellement, cette autre tradition qui est celle du loisir lettré, l'otium literatum, pour employer le terme qu'utilisait Cicéron et d'autres auteurs après lui, c'est-à-dire ce loisir lettré, le loisir étant pensé par opposition aux affaires publiques. Voilà, Cicéron est un homme politique, et puis ce loisir lettré, c'est le moment où il prend de la distance par rapport à cette vie publique pour se recueillir, se retrouver lui-même, mais se retrouver lui-même se fait toujours par le détour de la connaissance, de la lecture, de la méditation des grandes œuvres philosophiques et littéraires. Eh bien, c'est ce modèle que retrouve aussi, que réanime les humanistes de la Renaissance. Et on comprend combien tout cela est similaire avec un moine, par exemple, dans sa retraite. On voit qu'il y a presque un schéma. C'est toujours cette question des ennuis que pourraient avoir les humanistes avec l'Église dans une lecture qui serait un petit peu décalé, où on imagine ceux du XVIe siècle qui pourraient contester l'Église. Là, on n'est pas du tout dans cette démarche-là. On sent la retraite, les œuvres des pères de l'Église qui sont lues. Retraite, oui, mais petit à petit, le studiolo, le prince invite quelques intimes et quelques élus dans le studiolo, parce que justement, c'est le moment, c'est là où il montre. Un livre, on le montre. Et vous savez, cette idée de montrer les livres aux visiteurs illustres, ça continue même de nos jours, hein. Si, donc, on a des exemples. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que les humanistes sont des auteurs chrétiens, ça n'empêche que le mouvement même de l'humanisme amène un certain nombre de tensions avec l'autorité religieuse. Ça, c'est incontestable quand même. On le voit par exemple dans l'œuvre d'Erasme. Je pourrais citer d'autres cases aussi, mais il y a un certain nombre de textes qui, effectivement, du point de vue de la pensée religieuse, qui sont retrouvés par les humanistes et qui vont poser problème. Je pense justement au poème de la nature des choses de Lucrèce, mais également dans la manière que les humanistes ont d'aborder le texte sacré, il y aura un certain nombre de tensions. Et Erasme en est sans doute l'un des témoins les plus éloquents, puisqu'il amène, sa critique du texte sacré. Quand je dis critique, c'est au sens de la critique textuelle, c'est une manière d'essayer d'améliorer le texte sacré, ou de réattribuer un certain nombre d'épîtres, par exemple d'épîtres de Saint Paul, en disant, ben voilà, tel épître est bien de Saint Paul, tel autre n'est sans doute pas de Saint Paul, par exemple l'épître aux Hébreux, etc. Et évidemment, cette manière de réaménager la tradition que l'on avait du texte ne va pas s'imposer des difficultés. Et il n'est pas étonnant, d'ailleurs, que un certain nombre de grands humanistes au XVIe siècle aient quitté le sein de l'Église catholique romaine pour se tourner du côté du protestantisme. Et à l'intérieur même du protestantisme, ce mouvement de philologie humaniste n'est pas non plus sans susciter un certain nombre de tensions. C'est, par exemple, le débat qui existe entre Luther et Erasme, et Luther reprochera vivement à Erasme que, en lui, le philologue ait tué le théologien. Mais, et puis, l'humaniste peut être dangereux. Il suffit de rappeler Lorenzo Valla, l'un des grands humanistes du 400, il a quand même fait, il a montré que la donation de Constantin, document sur lequel tout le pouvoir temporel de l'Église sur Rome s'appuyait, était un faux. Donc effectivement, le philologue, l'humaniste, avec son érudition, peut ébranler, peut faire trembler une institution aussi puissante que l'Église. Donc effectivement, l'Église méfie quand même un peu des humanistes du 400. Avec tous ces ouvrages annotés, comparés, d'où de grosses marges. Je parle de la matérialité de ces ouvrages et on le voit nettement quand tous ces manuscrits exceptionnels sont réunis, exceptionnels parce que déjà ils touchent à l'émotion hein, quand c'est Pétrarque, Boccace n'est pas loin et que l'on a ici telle annotation et qu'on voit Budet qui dessine une petite main pour pointer un passage intéressant. C'est ça aussi, le manuscrit lui-même est fabriqué pour être commenté. Tout à fait, pour être commenté, pour être lu, pour être regardé, pour être apprécié. Effectivement, avec Jean-Marc, nous avons choisi, évidemment, le livre est le protagoniste de notre exposition. C'est-à-dire, nous avons voulu montrer cette renaissance à travers le livre. Donc, le livre est protagoniste de ce renouveau parce que c'est un moyen de reconquête du passé, de la pensée des auteurs classiques. Le livre est un instrument de diffusion du savoir. Le livre est une expression aussi de la magnificence des princes, parce qu'effectivement, à travers ces exemplaires magnifiquement calligraphiés, illustrés, reliés, le livre est un chef-d'œuvre complet. Parce que vous avez le texte, donc on a la science, mais nous avons l'image, parce qu'on avait ces aluminures exceptionnelles, et puis nous avons la relure, cet habit, c'est la relure qu'on présente, c'est la relure qui est présentée dans les bibliothèques, donc effectivement, non seulement par son contenu, mais aussi, souvent, on oublie qu'un livre au 400, qu'un livre à la Renaissance, est un produit de luxe aussi cher qu'un retable, une statue, parce qu'il y a tout un travail. D'abord, le parchemin de qualité, quelque chose de très cher, puis il y a tout le travail de copie, il y a le travail d'aluminium, donc effectivement, c'est pas un objet destiné à tout le monde, mais cette élite qui possède un livre, c'est un bien précieux. C'est pour ça que nous avons tous ces passages d'une famille à une autre, d'un poète ou d'un humaniste à un autre, parce qu'effectivement, c'est quelque chose de vraiment exceptionnel. Et donc, le livre nous accompagne tout au long de l'exposition. C'est un peu le fil conducteur de notre exposition. Gennaro Toscano, vous êtes conseiller scientifique pour le Musée de la Bibliothèque Nationale de France et professeur d'histoire des collections et du patrimoine à l'École des Chartes. C'est ici des livres qui doivent être lus. Vous nous l'avez dit. C'est quelque chose aussi que l'on perçoit en voyant tous ces manuscrits. Ils sont lisibles. Alors, latin, grec, bien sûr, c'est une chose, mais nous sommes avec un souci de pouvoir transmettre le contenu du texte. La lisibilité du manuscrit, c'est une valeur à laquelle était très attaché déjà Pétrarque, qui, à ce titre, a voulu répudier l'écriture traditionnelle, l'écriture gothique de son temps, trouvant qu'elle manquait de lisibilité. Mais ce mouvement de réforme de l'écriture s'accomplit véritablement un peu plus tard, une vingtaine d'années après la mort de Pétrarque, à Florence, dans l'entourage du chancelier de Florence de la fin du XIVe siècle qui s'appelait Coluccio Salutati. Et c'est autour de lui qu'on voit effectivement se mettre en place un nouveau modèle d'écriture, ce qu'on va appeler la littera antiqua, qu'on traduirait trop vite en appelant ça la lettre antique. C'est en réalité la lettre ancienne, c'est-à-dire que ces humanistes s'inspirent de modèles plus plutôt du Moyen-Âge, entre 10e et 12e siècle, de manuscrits écrits selon le modèle d'écriture qui était ce qu'on appelait la minuscule caroline, qui est beaucoup plus clair, effectivement, beaucoup plus facile à lire que l'écriture gothique. Et donc, il y a tout un travail de réforme de l'écriture qui va donc emprunter à des modèles médiévaux, c'est peut-être là le paradoxe, mais qui, petit à petit, et c'est ce que nous avons essayé de montrer aussi dans l'exposition, enfin pas petit à petit, très rapidement aussi, va s'entourer de tout un répertoire figuratif qui, lui, emprunte bien au répertoire de l'Antiquité, avec des enluminures qui reproduisent des médailles, avec pour l'écriture des titres, par exemple, l'emprunt à l'épigraphie antique, l'imitation imitée dans l'écriture manuscrite, l'écriture monumentale de la pierre telle qu'on pouvait la trouver à partir des vestiges archéologiques qu'on s'emploie à rassembler au XVe siècle. Notamment, on présente aussi dans l'exposition un certain nombre de ces recueils de relevés de vestiges archéologiques. Et donc, tout cela vient nourrir aussi la production du manuscrit. Ce qui fait que, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, le manuscrit est à la fois le lieu d'une émotion culturelle, notamment au titre des annotations que l'on peut voir qui nous représentent de manière très vive, finalement, le travail même éditorial des humanistes sur les textes. Et puis, ils sont aussi, et c'est inséparable, le lieu d'une émotion esthétique. Et c'est très intéressant ce que Jean-Marc dit, parce qu'à la fois les humanistes reprennent une écriture romane, et c'est l'écriture qu'on retrouve dans les mêmes textes d'auteurs classiques que les humanistes ont enlevé de la poussière, entre guillemets, bien sûr, de la poussière. Donc c'est ça qui est intéressant. Et par ailleurs, dans l'exposition, nous montrons quelques chefs-d'œuvre du XIIe siècle, à la fois par leurs textes et à la fois aussi parce que nous avons déjà cette écriture assez claire, qui est une écriture romane, qui va devenir une écriture humanistique. Et puis c'est l'invention de la bibliothèque, ou la réinvention de la bibliothèque. Mais c'est vrai que nous avons évoqué ce studiolo, ce petit cabinet. La bibliothèque, c'est encore autre chose, qui devient bibliothèque princière. Et c'est là où on va trouver tous ces chefs-d'œuvre. C'est pas vraiment l'invention de la bibliothèque, parce que ouais. Les bibliothèques, on n'a jamais cessé d'en avoir. Mais c'est l'évolution vers un nouveau modèle de bibliothèque. Un nouveau modèle de bibliothèque à la fois par sa constitution, l'importance qui est donnée cette fois-ci à la littérature antique, une importance tout à fait capitale. C'est le contenu même de la bibliothèque qui évolue et qui définit le modèle de la bibliothèque humaniste. Et puis c'est aussi un nouveau modèle de bibliothèque par la vocation que l'on assigne à la bibliothèque. C'est Pétrarque, là encore, désolé d'y revenir, mais effectivement, il est véritablement décisif dans cette histoire culturelle. C'est Pétrarque, là encore, qui en a donné le premier modèle en imaginant, dans les années 1360, au début des années 1360, à une époque où Pétrarque vivait à Venise, de léguer sa bibliothèque, qui était la bibliothèque la plus riche en manuscrits d'auteurs de l'Antiquité latine, de léguer sa bibliothèque à la République de Venise pour que elle soit après sa mort ouverte à tous les lettrés. Voilà, donc la bibliothèque privée devient alors une bibliothèque publique on imagine qu'elle puisse devenir une bibliothèque publique. Je dis on imagine puisque ce vœu de Pétrarque n'a pas été réalisé par lui, mais par les générations suivantes des humanistes. Et encore Pétrarque a été le conseiller, c'est l'instigateur pour la création de la plus grande bibliothèque princière italienne du XIVe siècle, celle des Visconti au château de Pavie. Donc Pétrarque avait un rôle de diplomate, on dirait, à la cour des Visconti, mais surtout, il a suggéré cette idée, et la bibliothèque des Visconti était sûrement, au moment où la papauté s'est déchirée entre Rome et Avignon, la grande bibliothèque de la péninsule au Trecento, et enrichie jusqu'aux guerres d'Italie, enrichie jusqu'à l'arrivée de Louis XII. Donc effectivement, ce modèle de Pétrarque, le modèle de la bibliothèque humaniste, est adopté par les princes de la Renaissance, et la bibliothèque devient le lieu où le prince peut exprimer sa magnificence. Non seulement il réunit dans la bibliothèque les humanistes pour la lecture, par exemple le roi de Naples, tous les jours il réunissait les humanistes autour de lui, on lisait des textes de Tite Live, bien sûr c'est l'un des auteurs les plus prisés de l'époque, et il y avait des mais on lisait également la Bible, donc on lisait ces textes de l'antiquité chrétienne et classique, il y avait une sorte de débat autour, et puis on y recevait les ambassadeurs, et dans la bibliothèque aux ambassadeurs, aux diplomates, aux cardinaux, qu'est-ce qu'on montrait ? Le livre. Donc cette notion de montrer le livre, c'est pour ça que nous sommes ravis de notre exposition, parce qu'on peut montrer ces livres comme ils étaient montrés dans une bibliothèque de la Renaissance. L'invention de la Renaissance, et là on comprend bien le sous-titre de cette exposition à la Bibliothèque nationale de France, l'humaniste, le prince et l'artiste. Dites-nous, Jean-Marc Chaplin, vous êtes, je le rappelle, directeur des réserves, de la réserve des livres rares de la BNF. Bien sûr, pour une exposition, on va montrer ces livres somptueux, richement enluminés, très bien, mais pas que, hein, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses. Mais est-ce que dans les réserves de la Bibliothèque nationale, il y a plein de ces pages écrites, parce qu'un humaniste n'a pas besoin d'avoir de belles enluminures pour travailler son texte. Est-ce qu'il y avait une grande production juste de textes comme ça pour circuler, et que il serait pas utile de montrer comme ça en affilée sous des vitrines? Bien sûr, nous présentons de manière préférentielle dans l'exposition des manuscrits magnifiquement enluminés, mais il y a énormément de livres imprimés à partir de la fin du XVe siècle. Donc l'invention de l'imprimerie, c'est au milieu du XVe siècle, dans les années 1450, et à la suite de l'invention de Gutenberg, il y a une grande production, une très importante production d'édition de textes littéraires de l'Antiquité, dont on voit les marges non pas enluminées, mais couvertes d'annotations. Et de fait, il existe une manière humaniste de lire les textes qui recommande aussi, dans la pédagogie des humanistes, on recommande d'annoter les textes. Alors, il y a plusieurs manières d'annoter les textes, on ne va peut-être pas rentrer dans ce détail, mais c'est assez compliqué, mais c'est passionnant aussi de voir que finalement, l'annotation manuscrite dans les marges des livres imprimés est quelque chose, est un phénomène qui, dans sa durée, est à peu près coextensif à la durée même de la culture humaniste. Et donc, à partir du XVIIe siècle, c'est une chose qui devient beaucoup plus rare. Et ça, c'est ce que l'on ressent en visitant l'exposition « L'invention de la Renaissance ». Et on comprend pourquoi, sur des manuscrits comme ça, on se dit « mais qui a osé mettre des annotations ?» Mais non, on comprend dès lors que c'est toute une philosophie, c'est toute une démarche, c'est tout simplement un geste humaniste. Merci vivement à tous les deux, Jean-Marc Chatelain, Gennaro Toscano, de nous avoir présenté cette exposition dont vous êtes les deux commissaires. Il y a le catalogue, évidemment, de l'humanisme. Ça fait du bien. Merci beaucoup à tous les deux. Il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment. Comment savoir si Sponzien fut un vrai ou un faux empereur romain ? Au cours des dernières années, les médias en ligne ont multiplié les rubriques qui concernent l'histoire. Celle-ci témoigne d'un souci de vérité qui n'est pas toujours du même ordre que la vérité historique telle que la conçoivent les historiens de métier. Ce que j'ai appelé la podcastisation de l'histoire incite les auteurs de ces rubriques à privilégier des titres chocs avec des mots-clés permettant d'être bien référencés sur les plateformes numériques. Pour donner une illustration des conséquences que peut avoir sur la mémoire collective cette nouvelle manière de traiter l'histoire, j'évoquerai les articles qui sont parus à la fin de l'année 2022 sur l'affaire du vrai-faux empereur romain. En 1713, on a découvert en Transylvanie une trentaine de pièces d'or à l'effigie de plusieurs empereurs romains du IIIe siècle. Quatre d'entre elles représentaient un certain Sponzianus. Sponzien en français. Bien qu'aucun autre document n'ait prouvé l'existence de ce personnage, les premiers spécialistes considérèrent ces pièces comme d'authentiques produits de l'Antiquité, tout en les classant dans la catégorie des imitations dites barbares des pièces romaines. Sponzianus fut alors présenté comme un usurpateur qui aurait tenté de s'imposer comme empereur pendant les guerres civiles de 248-249. Mais en 1863, Henri Cohen, un éminent numismate de la Bibliothèque nationale de France, spécialiste des monnaies romaines, réfuta cette interprétation en affirmant que ces pièces étaient de grotesques contrefaçons. Pour lui, il s'agissait de pièces modernes, ridiculement imaginées et très mal faites. L'empereur Sponzia tomba alors dans les oubliettes de l'histoire. En 2022, une équipe du département des sciences de la Terre de l'Université de Londres, dirigée par le professeur Paul Pearson, réexamina ces pièces à l'aide d'un microscope à balayage électronique. On découvrit alors qu'elles avaient des marques d'usure, prouvant qu'elles avaient été utilisées dans le passé. L'analyse des dépôts présents à la surface de ces pièces permit à l'équipe d'en conclure que ces pièces avaient certainement été émises au IIIe siècle, dans la province isolée de l'Empire romain qu'on appelait la Dacie, dans une partie de l'actuelle Roumanie. Si ces pièces étaient authentiques, c'est donc que l'empereur Sponzianus avait bien régné sur cette province. Mais cette thèse a été fortement critiquée par d'autres spécialistes, si bien que nul ne peut dire avec certitude aujourd'hui si cet empereur a existé ou non. Cela n'a pas empêché les journalistes d'utiliser l'étude du professeur Pearson pour en faire un scoop présenté à l'aide de titres ronflants. Le Parisien a évoqué l'histoire de Sponzianus, l'empereur romain qu'on croyait inventé de toutes pièces. La revue Science et Avenir a enchaîné avec un article sur le faux empereur romain qui avait bel et bien existé, avec en sous-titre « Comment une pièce d'or pourrait réécrire l'histoire ?» Même l'hebdomadaire Point de vue, qui se présente comme une publication consacrée à l'actualité des familles royales et des dynasties princières, ainsi que des célébrités et people d'exception, s'est intéressé à Sponzianus, l'empereur romain fantôme. Merci, merci beaucoup Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau avec Laurence Millet, avec aujourd'hui la technique d'Alia, émission préparée par Jeanne Copet, Jeanne Delecroix, Toscane Vudès, Mathieu Copal et Mayouen Guizhou. Le cours de l'histoire écouté à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.